Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. Le destin s'est montré. Il avait mine de rien l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là.